comme Ramin Kouraliti. Soleil, clair de lune, belle Tifi, c'est toute nostalgie, moi. Vraiment ma Sophie, Haïti chérie, même si moi qui t'aime, nous jouons fort retourner. C'est Haïti, ma pensée, ouais, maman, Sophie. Haïti, chérie, même si moi qui t'aime, yo, je fais pas tout le monde. C'est un ménage, moi, ma pensée, ouais, maman, Sophie. Haïti, chérie, même si moi qui t'aime, yo, je fais pas tout le monde. N'a fini. La bonne marchandise. International. Haïti, mon français.